lentement se déversent sur ma ligne des flots de toi, des flots de toi. Doucement, il pleut sur ma vie des petites gouttes de toi, des petites gouttes de toi. Et j'aime ça. Tranquillement, je rêve toute ma vie.